Bonjour et bienvenue dans Freaks et Merveilles, une émission sur les arts vivants queer. Aujourd'hui dans Freaks et Merveilles, nous continuons de plonger dans les joies de la chair qui se dessape. Mais cette fois, redoublez de vigilance car notre invité du jour avance bien souvent masqué. Rat, scream ou latex, habillé de pâle ou de tulle, couverte de sang ou d'autres choses, elle a le déshabillé meurtrier, le regard poignard et les hanches avalanches. Mais pas d'inquiétude, quand elle vous aura coupé le souffle, elle vous accueillera avec plaisir dans son hôtel crépuscule pour une petite cure dont vous ne reviendrez pas indemne. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Winona Slayer. Bonjour Winona. Bonjour Croc. Ça va? Oui, c'est trop chouette de s'entendre comme ça. Merci. Trop bien. Eh bien, bienvenue. Tu es ici pour un petit peu faire la deuxième partie de ce diptyque autour du... Ça y est, c'est à mon tour de perdre les mots. Du burlesque? Absolument. Donc, tu es ici pour faire la deuxième partie de ce diptyque qui aborde le burlesque, l'art de se dessaper avec classe. Et toi, tu décides d'en foutre partout, quoi. Ta DA, on en parlait juste avant le podcast, c'est je me dessape et je me couvre de faux sang et d'autres trucs. Pourquoi associer comme ça l'érotisme et le morbide, le faux sang et les fringues qu'on enlève? Bah écoute, du coup, je me suis posé la question et j'ai remarqué qu'en fait, je crois que ça fait très longtemps. depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé les histoires qui font peur. J'ai toujours aimé qu'on éteigne les lumières, qu'on allume une lampe torche et qu'on joue à se faire flipper. J'ai lu des chairs de poule dès que je savais lire. Enfin voilà, j'ai toujours aimé les histoires qui font peur. Et au-delà de ça, j'ai très vite été... très charmée par, je pense, les personnages féminins capables de violence. Ah oui. C'est quelque chose qui me touche particulièrement, je pense. Il y a quelque chose d'empouvoirant et de profondément dérangeant dans la société patriarcale là-dedans. Et je crois que ça me plaît, ça me galvanise totalement. Kill Bill, mais oui. Oui, parce que t'es... Alors moi, en tout cas, le premier numéro de toi que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, tu avais un masque de Scream et tu te découpais la culotte en direct. Oui, ça met la barre à un certain endroit, voilà. En début. Et en plus, je trouve ça intéressant parce que je trouve que souvent, quand on commence dans le drag ou le burlesque ou les arts queer en général, on fait des choses qui sont un peu... consensuel entre guillemets, ou qu'on voit chez beaucoup d'autres gens. Par exemple, les drags très souvent commencent par faire du lip-sync sur de la pop américaine ou quoi. Mmh. Et puis petit à petit, on définit sa DA et soit on continue dans cette ligne-là, mais on l'approfondit à fond la caisse, soit on va voir ailleurs. Toi, j'aimerais que dès le début, tu avais une ligne très très tranchée. Est-ce que tu as fait d'autres expérimentations avant de créer ce personnage de Winona, ou est-ce que dès le début, c'était vraiment ça que tu voulais faire? Bah, en fait, oui, c'est marrant comme question parce que c'était très évident pour moi que c'est ça que je voulais faire. Mais en fait, c'est assez logique quand on me connaît d'avant. Parce qu'en fait, de base, moi, je suis illustratrice. Je me destinais plutôt à la BD. D'accord. De base, j'étais pas du tout à l'aise dans mon corps, déjà. je ne me voyais pas du tout faire des trucs devant des gens. Moi, j'étais toute seule derrière mes pinceaux et c'était très bien comme ça. Mais par contre, les histoires que je racontais, les histoires qui me fascinaient, même les histoires que je consomme d'ailleurs, c'était déjà totalement cette DA-là. Et donc, pas étonnant en fait que les univers que j'ai créés sur papier, au moment où ils prennent cher, prennent cette forme-là en fait. Prennent cher. Ils prennent cher. Ah oui, ça, parce que je trouve aussi que tu as une... Enfin, y a vraiment une patte visuelle très forte dans tes perfs. Du coup, je comprends que tu viennes du milieu de l'illustration. Et puis, tu portes ça assez loin. Par exemple, une des dernières performances de toi que j'ai vues, alors toujours sur les réseaux sociaux, parce que je n'ai pas encore eu le bonheur de te voir performer en vrai, c'était sur les déclarations d'un élu pro-Trump juste après la réélection de Donald Trump, hein, qui disait « Your body, my choice » et qui a fait tout un truc vraiment à vomir sur « Ah, les meufs, ça y est, maintenant vous avez perdu, c'est nous qui avons gagné, vous n'aurez jamais le pouvoir, etc. Ouais. » Et donc, c'est intéressant, je trouve, de voir que quand t'embrasses la violence, c'est autant genre un couteau et du faux sang que les paroles d'une personne comme ça. Oui, c'est clair. Et c'est marrant parce que c'est un numéro qui est finalement assez tendre. Enfin, en fait, je vais l'expliquer, je pense. Ouais. Du coup, donc, j'ai vu cette vidéo. Déjà, commençons par là. J'ai vu cette vidéo et vraiment, ça m'a mis super mal, quoi. J'avais la nausée, j'étais super mal. Le fait que cette personne ait autant de visibilité, de puissance et de gens derrière elle avec des propos aussi abjects aujourd'hui, ça m'a vraiment mis trop mal. Et du coup, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que j'en fais de cette colère? Est-ce qu'il y a quelque part dans mon métier où je peux mettre ça? Et du coup, en plus, j'avais la dualité où à ce moment-là, j'étais là, ah, j'ai trop envie de faire un numéro où j'ai grave un costume de cowgirl super sexy, tout rose à paillettes et tout. Puis j'étais là, quoi, tu vas quand même pas faire l'apologie du Texas alors que ce gros connard. Et tout d'un coup, j'étais là, oh, fusion! En fait, je vais être les deux dans un. Et donc, en fait, au début du numéro, je lip-sync ce discours-là. Donc, j'ai dû l'écouter des centaines de Ah fois. mais C'était un oui! plaisir. Ah là là! L'art du lip-sync nous emmène parfois dans de sombres contrées comme celle-là, apparemment. Et donc, du coup, voilà, je lip-sync ça. Et puis, en fait, enfin, en tout cas, ce que j'essaie de raconter, c'est que j'abdique. Ah, mon corps est le tien. Très bien, ben le voilà alors. Donc, j'enlève mes fringues, mais pas spécialement dans un mood j'avais envie de le faire. Ok. Et c'est sur une country un peu triste, donc ça commence à prendre un ton plus tendre, amer, comme ça, mais c'est très doux. Et à la fin, je me penche, et tout le monde pense que c'est fini, c'est ça que j'aime bien. Puis je me relève, il y a la lumière rouge dans mon chapeau, et je sors le sexe de Nicolas Fuentes découpé de mon chapeau, en fait, vengeance! Voilà, on passe par différents Ah, états. waouh, trop bien. Et du coup, voilà, je suis contente d'avoir réussi à mettre ma colère quelque part et aussi avoir réussi à faire mon point sans qu'il soit écrit. Parce qu'au départ, j'avais pensé évidemment à écrire un slogan ou ce slogan sur moi ou machin. Et là, d'avoir réussi à le faire de nouveau un peu comme en illustration, juste par des images, ben voilà, ça fait que c'est un numéro pour lequel j'ai pas mal d'affectifs. Ouais, c'est super. Parce que c'est vrai que je trouve aussi que parfois c'est un peu dommage quand par exemple des performeuses s'écrivent des choses sur le corps ou quoi. Et tu dis bah ouais, c'est toujours plus chouette, je trouve, de parvenir à trouver une métaphore par ailleurs. Voilà. Donc bon, on vient de spoiler ce numéro, mais Oui, après je suis c'est un désolée. numéro vivant, ça se vit, ça sera encore mieux à le voir que. Mais Oui. peut-être sera peut-être même encore meilleur en disant moi je sais ce qu'il y a dans le chapeau. C'est ça. Et se dire, mais comment est-ce qu'elle a fait pour faire rentrer ce truc? Le backstage des numéros de cabaret. Jusqu'à présent, la tchole n'est jamais tombée pendant le numéro, fort heureusement. Ce serait dommage d'avoir pouf sur ton front. Après, ça amène une autre esthétique. C'est clair. Mais bref, en parlant d'esthétique, justement, je trouve que c'est intéressant ce que tu disais, que tu viens de l'illustration où effectivement il y a un vrai médium entre toi et enfin, oui, une espèce de temporisation entre toi et ce que les personnes reçoivent. Toi, comme tu disais bien, tu es avec tes pinceaux, entre guillemets, dans ton coin ou dans ton bureau à dessiner ou à peindre ou quoi, et après les gens reçoivent. Et tu as décidé du coup de monter sur scène déjà, parce que j'ai peu d'amis illustrateuristes qui aiment ou qui oseraient faire. Et en plus, dans le burlesque, qui est quand même l'art de se foutre à poil, littéralement, quoi. Et moi-même, je n'y crois pas. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes la barrière comme ça? Alors, il s'est passé un truc super. Déjà, en dehors du côté horreur, j'ai aussi toujours eu beaucoup d'amour pour l'érotisme et la vulgarité, de manière générale. J'aime beaucoup la vulgarité. Et depuis assez jeune, et dès que j'ai pu, j'ai été très attirée par les cabarets. Je pense que Mademoiselle, j'ai dû commencer à le fréquenter dès qu'il a ouvert, quoi. Donc j'avais 20 ans. Et j'ai eu un coup de foudre. Alors déjà, les arts de la scène m'avaient toujours plu. Ma grand-mère est comédienne, j'ai été beaucoup au théâtre, c'est quelque chose que j'apprécie, mais j'avais jamais été vraiment transportée aux tripes, quoi. Et là, quand je suis rentrée dans le cabaret Mademoiselle pour la première fois, vraiment, j'ai fait « C'est quoi ce truc de ouf? C'est trop bien !» Ça m'a vraiment pris très très fort. Et je me souviens du jour où j'ai vraiment eu le coup de foudre, c'était Kim Yamen, qui était sur scène et qui faisait un numéro sur... La fin des temps de Mansfield, qui est en plus un morceau qui me touche beaucoup. Et je me souviens vraiment que le temps s'est arrêté. Cette personne m'hypnotise complètement, enfin qui m'y amène. Moi, j'ai vraiment un énorme coup de cœur sur ce personnage de scène. Et voilà, je suis tombée amoureuse. Ça m'a touchée très, très fort. Donc, bref, tout ça pour dire que j'ai suivi Kimi sur les réseaux. Et quelques années plus tard, je vois une story passer. Je vois une story passer où elle explique qu'elle donne avec Sarah Selma Dolores un workshop qui s'étale sur plusieurs mois, en plusieurs séances, et qui donne lieu à un spectacle avec des amateuristes et des professionnels. Et moi, je m'étais toujours dit que c'était pour les autres. Il y avait ce truc, non, moi, je suis derrière mes pinceaux, et voilà, et ça, c'est pour les autres. Je me sentais ni danseuse, ni assez queer. Enfin, je sais pas, il y avait une barrière quelque part. Ah oui, je vois. Et il y avait quand même cette barrière-là aussi. La légitimité. Mais oui. Et donc, voilà, quand j'ai vu l'annonce passer de Charivari, je me suis dit, bon, là, il y a peut-être... Au moins une occasion de juste toucher, pas allez, essayer quoi. Donc je me suis inscrite. Je me souviens que le premier jour c'était vraiment un calvaire. J'ai pas dormi la veille, je suis arrivée en nuit blanche, c'était l'enfer. J'avais vraiment du mal même à regarder les gens dans les yeux, je devenais toute rouge, je balbutiais, enfin c'était vraiment catastrophique. Ouais. Et donc ça c'est à la Louvière. À la Louvière. On peut le dire, co-organisé par Centrale, voilà. Avec lequel Frix et Merveille a collaboré sur pas mal de trucs. Donc oui, c'est un lieu que j'aime beaucoup, Centrale. Et son équipe fait vraiment du super boulot. Mais bref, donc oui, premier jour, limite de vomir pendant l'atelier. Et puis en fait, j'ai pris goût de dingue. Après aussi, Sarah Selma Dolores et Bastien Poncelet sont des personnes merveilleuses qui nous en ont fait voir de toutes les couleurs, qui nous ont embarqués aussi dans la création de la Concerie des Connasses, qui est quand même un truc de ouf aussi. Bon, c'est un autre sujet, donc je ne vais peut-être pas dériver là-dessus. Oui. Et bref. On peut très rapidement dire ce que c'est. De toute façon, il y a un Instagram maintenant de la Concerie des Connasses, il me semble, avec plein d'informations sur qui elles sont et tout. Mais oui, tout à fait. Si tu veux vite... En gros, Kimi avait un numéro où elle avait créé un costume de gilette et où elle faisait la gilette de Binche. Elle se réappropriait ce personnage qui est le roi du carnaval et qui, par ailleurs, est un folklore belge tout à fait fermé et inaccessible, qui se transmet de père en fils, qui est complètement patriarcal, et où les femmes ont le droit d'habiller les hommes et de porter les oranges. Voilà, super, merci beaucoup. Et donc, du coup, comme on est à la Louvière et que Kimi travaille sur cette question du carnaval, etc., elle nous embarque dans on va faire une sortie avec une troupe de gilettes à la Soumons du carnaval. Et donc on est sorti en pensant juste faire une action une fois. Et puis en fait, ça a suscité tellement de réactions violentes et négatives qu'on s'est dit, mais en fait, ça touche à un nerf sensible. Allez, on continue. Donc c'est devenu maintenant un folklore qu'on essaye d'installer et de faire persister. Ouais, malgré les fâcheux sur les réseaux et ailleurs. Mais, les fâcheux. Mais pour revenir à Winona dans tout ça, non, mais c'est intéressant. Mais effectivement, on pourrait se laisser. Oui, mais c'est super. Se laisser transporter. Peut-être une fois, j'essaierai d'avoir Sarah Selma Dolores qui vient parler dans le podcast. Ce serait assez formidable. Elle est géniale. Mais donc, les ateliers Charivari. Voilà. Ça te met un petit peu le pied à l'étrier, donc quoi, vous créez quand même des numéros Il y a des numéros de groupe, il y a plein d'apprentissages qui sont disséminés dans cette formation, mais il y a aussi l'accompagnement pour les personnes qui le souhaitent à la création d'un premier numéro. Ok. Et bref, tout ça pour dire qu'on a fait le spectacle. J'ai vécu littéralement le plus beau jour de ma vie. Et puis, j'ai eu le pire glitter crash de ma vie. Et j'ai pleuré pendant 3 jours. Et en fait, à un moment, mon copain de l'époque est désemparé, ne comprend pas du tout ce qui m'arrive. Je suis inconsolable. Et en fait, à un moment, j'ai l'illumination. Je suis là, mais en fait, j'ai l'impression que le plus beau jour de ma vie est passé. Il est fini. C'est d'une tristesse incroyable. Oui. Le plus beau moment, j'ai touché le bonheur. Et il est derrière. J'étais détruite, quoi. Et tout d'un coup, je me dis, mais en fait... il ne faut pas que ce soit le dernier, faut que ce soit le premier. Et je n'ai plus jamais arrêté. Super, et du coup, ça, c'était il y a combien de temps environ que tu décides vraiment de commencer Ça, c'est il y a 3 ans et demi. Okay. Et puis, du coup, je dirais que c'est l'année suivante, ils refont Charivari. Et là, à la fin du spectacle, du deuxième spectacle, ils me disent « Bon, il te faut quoi ?» Vas-y maintenant, t'as plus besoin de nous. Et voilà, okay. j'étais au crash test quelques mois plus tard. Ah, et, puis, et ça y est, voilà. C'est lancé. Voilà. Super, super. Et du coup, donc, oui, tu as dès le début cette. Parce que, en fait, ça ne répond pas vraiment à ma question de pourquoi le burlesque ? Pourquoi se foutre à poil et pas juste faire du lip-sync comme tout le monde en étant tout habillé et en le restant ? Je sais pas, j'ai adoré ça. Puis même sur scène, c'est quelque chose qui me plaisait. Et aussi, tout ça a coïncidé avec un... Comment dire ? Je trouve que ce qu'il y a de magique avec cet art-là, c'est que quand même, on crée un personnage. Et comme c'est un personnage, c'est pas Yann, c'est Winona. Elle peut faire des trucs que moi, je me permettrais jamais de faire. Elle peut avoir une confiance en moi que je rêverais d'avoir. Et en fait, elle m'a énormément aidée à prendre confiance en moi dans ma vie en général, à me dire qu'en fait, j'avais le droit de faire le métier qui me faisait rêver. Enfin, elle m'a aidée à m'affirmer en tant que personne, tout simplement. Et du coup, je suis encore en train de me perdre. C'était quoi la question ? Non, c'est super. J'aime bien quand les invités se perdent. Non, mais c'était pourquoi le burlesque et pas un autre art cabaretique ? Parce qu'en plus, il me semble que Sarah Selma Dolores et Kim Yamen fait un peu de burlesque, mais il me semble que ce n'est pas leur art préféré ou leur cartouche principale. Quoi. Non, bah oui, il y a eu aussi, je pense... j'adorais déjà beaucoup l'érotisme, le rapport au corps. Et voilà, et dans ce chemin où ça m'a aidé à m'affirmer, à me découvrir, à être qui j'étais à 200% au lieu d'à 30, quoi. J'ai essayé une première fois le côté striptease et j'ai trouvé ça génial. Aussi, il y a quelque chose dans le fait de se réapproprier la sexualisation de soi. Quand on a vécu des sexualisations imposées comme on peut en vivre énormément et dans plein de situations différentes dès le plus jeune âge d'ailleurs, il y a un endroit là où oui, tu vas me sexualiser, mais c'est moi qui décide comment et qui est réalisatrice de tout ce moment-là. Et du coup, il y a quelque chose de très empouvoirant là-dedans. Et puis juste, j'ai découvert que j'ai jamais montré mon cul. Parce qu'on se raconte des histoires, mais finalement, c'est ça. On fait les intellectuels, mais enfin, faut le dire, j'adore me foutre à poil, quoi. En plus, on paye pour ça maintenant. Oui, c'est bon. Ça. Bon, pas très bien, mais voilà. On me paye pour être complètement hystérique et me foutre à poil, c'est génial. Super. Et alors, mais du coup, parce que se foutre à poil, c'est une chose, montrer son cul, c'est une chose, mais pourquoi le faire à coups de poignard, de balles et de faux sang ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce d'érotisation de la violence dont on parlait aussi avant le début du podcast et que j'ai vu beaucoup mentionner sur ton Instagram. Mmh. Pourquoi ce rapport à la violence aussi dans ton personnage ? Franchement, je pense que c'est... De un, c'est juste un amour de cette esthétique. J'ai pas peur de le dire. Je suis une grande amoureuse de l'esthétique de manière générale. Que ce soit esthétiser sa vie en allumant une bougie ou... être en pamoison devant une BD incroyable, j'aime les choses belles et je trouve la violence me touche. Mais aussi, il y a ce rapport à la femme capable de violence, au personnage féminin ou queer d'ailleurs, capable de violence qui me touche particulièrement, que je trouve très empouvoirant. Et puis aussi, j'aime le côté, j'aime poser cette question aussi de tiens, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à un point où on trouve ça sexy, quoi ? C'est une question à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse, hein, mais j'aime continuer de la poser et de la poser de plein de façons différentes. Ouais, super. Super, merci beaucoup. Avant de faire une première pause, est-ce que tu continues à travailler comme illustratrice, du coup ? Alors, pas autant que je le voudrais, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me manque parfois. Mais en fait, oui, parce que dans le cabaret que j'organise, c'est moi qui réalise toutes les illustrations. Donc par ce biais-là, je continue un peu à dessiner, mais pas autant que je le voudrais. J'aimerais beaucoup refaire de la BD en moment. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Je continue à dessiner, mais je ne sais pas si je peux le dire. C'est pas très... Est-ce que ça compte si c'est pas de la BD rémunérée ? Alors, c'est du dessin rémunéré, mais un peu spicy. Oh ! C'est-à-dire que j'ai hacké le capitalisme. À un moment, j'étais vraiment dans le caca. Et donc, en fait, j'ai commencé à me dire, mais en fait... est-ce que je fais un OnlyFans ou un truc comme ça. Puis j'étais, ah non, quand même, si un jour j'ai des enfants, j'ai pas envie qu'ils tombent sur leur maman en train de se faire tringler et tout, c'est pas ouf. Et puis j'étais là, ouais, mais en même temps, il y a un truc où j'ai pas froid aux yeux, ça me gêne pas, j'adore dessiner, il y a peut-être quelque chose à trouver là. Et donc voilà, j'ai un peu hacké le game, je vends des séances de dessin érotique. Oh wow. Mais c'est super. Bon. La plupart du temps, ça a l'air très beau comme ça sur le papier, mais je dessine des mecs qui se mentent, qui sont pas toujours très... Enfin bref, voilà, c'est pas toujours aussi charmant que ça en a l'air. C'est une forme de beau. Voilà, mais en fait, au début, je trouvais ça pas ouf. Mais maintenant, quand je vois tous les dessins les uns à côté des autres, ben, en fait, il y a quelque chose de très beau. J'écris la séance à chaque fois à l'arrière. Ok. Et je pense qu'à un moment, j'en ferai un livre aussi. Wow. Voilà, donc est-ce que je continue à dessiner? Oui, des bites. Ma sous-question était de dire, tiens, est-ce que depuis, est-ce que ta pratique du burlesque a influencé ton dessin? Mais en fait, oui, complètement. Mais tous les aspects de ma vie influencent tous les aspects de ma vie. Oui, voilà. Ça, pour arrêter de croire qu'on est étanche à ce qui se passe à d'autres endroits, oui, de notre clair. Vie. Trop bien. Eh ben, écoute, je te propose de faire une première pause musicale. D'accord. Et ben, ce numéro de Qui m'y amène, t'as tellement marqué que tu en as fait ton premier choix musical, puisque ce que tu nous amènes, c'est La fin des temps, oui, de Mansfield. Kimi, je t'aime. Voilà. Bah oui, du coup, on n'a pas besoin de réintroduire le morceau parce que tu l'as déjà fait avant. Donc, vous êtes sur Radio Panique, c'est Freaks et Merveilles. On se fait une petite pause musicale et on revient juste après ça. êtes toujours sur Radio Panique, c'est toujours Freaks et Merveilles. Et on vient d'écouter Mansfield, et oui. La fin du monde. C'était beau. Bah après, moi, j'adore hein, Mansfield. Je suis complètement fan. Je mets déjà beaucoup, beaucoup Sexy Sushi, mais alors son projet de Mansfield, il est vraiment très beau. Rebecca Marino. Oui. Super. Eh ben, merci de nous avoir plongé comme ça un petit peu par... par procuration dans un numéro de Kimi qui t'a touché. Oui. Non, j'ai encore plus envie de voir ce numéro. Mais pour revenir à toi, on l'a mentionné rapidement en fin de première partie, mais tu es l'heureuse co-maman d'un concept assez foutraque, je pense qu'on peut le dire, qui s'appelle Hôtel Crépuscule. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, je suis l'heureuse co-maman de Hôtel Crépuscule, effectivement. Alors, Hôtel Crépuscule, c'est quoi ? C'est un cabaret immersif et insolent. On aime bien se nommer comme ça. On propose en fait des spectacles où on va proposer aux spectateurs de venir s'immerger dans l'univers d'un hôtel défraîchi et un peu étrange. On a choisi l'univers de l'hôtel parce que je trouve qu'il est... Tout peut s'y passer. Il y a quand même, on amène toujours une trame vintage, mais en même temps, c'est très ouvert, quoi. Que ce soit pendant un voyage, une cavale. Enfin, voilà, ça amène le côté nuit, un peu danger, un peu sexe aussi, mais en même temps, ça reste très vaste. Et je voulais pas un concept qui force les performeuses à créer des numéros. Je voulais que ça puisse accueillir, que ça puisse rester un écrin qui accueille des choses qui existent déjà aussi. Ouais. D'ailleurs, chaque édition est vraiment thématisée. Vous faites à chaque fois un shooting avec le cast dans un certain cadre, avec des couleurs, etc. Enfin, ça se sent. Ben, ça m'étonne pas du coup, maintenant que j'apprends qu'en fait, tu es illustratrice. Mais je trouve qu'il y a vraiment un côté où on sent que c'est maîtrisé comme esthétique. C'est pas juste du copier-coller, enfin, du collage sur Canva en disant plou, plou, plou, on met une petite anime là et puis c'est parti. On se casse la tête. Voilà, c'est ça. Mais ça se voit, c'est beau. C'est très quali, quoi. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'est toujours touchant quand on nous parle de la com, parce que voir des petits cœurs ou des petits pouces, c'est toujours bien. Mais quand on l'entend de vraies personnes, c'est tellement plus gai. Et du coup, voilà. Et le concept immersif, il passe par plein de petites choses. En fait, déjà, il passe par la com avant, parce que du coup, comme les personnages sont dans des décors, on peut déjà s'imaginer dans cet hôtel. Mais après, sur place, il passe par plein de petits détails. Par exemple, quand les gens arrivent, ils reçoivent une clé avec un numéro de chambre. Oh, wow. Ça, c'est super, parce qu'en fait, du coup, on numérote le public et après, ça va nous permettre de pouvoir piocher des gens ou d'organiser des numéros où il se passe des choses avec ces numéros de clé. Mais aussi, on a toute une team bénévole qui vient costumer dans la thématique du spectacle. Il se passe des choses dans la foule. Il y a des numéros qui se passent sur scène, mais on essaye d'éclater l'espace scénique. Donc, il y a aussi des numéros qui se passent en déambulation. Il y a des choses qui se passent sur le bar, en l'air. On propose aussi au public de venir costumer. Et ça, je trouve que c'est un point hyper important, parce qu'on sous-estime la magie du costume. Les gens deviennent zinzin quand ils ont une perruque et une robe. C'est bien suivi. Il y a une bonne partie du public qui vient vraiment costumer. Les gens adorent. Je crois que les gens en ce moment ont besoin de foutraque et de s'immerger dans d'autres univers. On se demande pourquoi. Tiens. Donc voilà, ça d'accord. Passe par et ces petites choses-là. Et il y a aussi une soirée dansante après. Oui. Enfin, une soirée dansante, c'est peut-être un beau dieu, mais... il y a une petite boum. Ben oui. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on aime ce concept où... voilà, aussi, c'est un public qui est debout. Donc il peut danser pendant les numéros, bouger et puis après on enchaîne toujours avec un DJ set, donc c'est un peu un mélange spectacle soirée. Waouh, trop bien. Comment vous êtes venu à créer ce concept là parce que c'est quand même intense. Oui. On parlera après de la préparation que ça entraîne, que j'imagine énorme. Juste parce que j'organise des shows et donc à voir tout ce que vous mettez en place, je suis là, mais enfin, ça doit leur prendre des semaines de prépa. Oui. Mais d'où est née l'envie de mélanger comme ça de la perf, mais aussi de l'immersion dans le public, du DJ set, tous ces éléments-là. En fait, c'est assez rigolo comme histoire, parce que tout simplement, j'étais en train de faire la teuf à la fabrique un soir. Et je sors fumer une clope et je papote avec des gens. Et puis je réalise que je papote en fait avec le programmateur du lieu. Ce moment. Et, et il me dit oui, mais bon, j'en ai marre qu'on fasse que de la techno. J'aimerais bien qu'on fasse aussi parfois des événements plus culturels. Et j'étais là, oui, par exemple du cabaret, ce serait super. Et il dit, oui, ce serait super, tu connais quelqu'un? Oui, moi! Waouh, Vraiment bravo. sur un coup de juste de voilà. Mais il faut, hein, bravo, ouais. Voilà, je posais mes ovaires sur la table et je dis, ben oui, moi, bien sûr. Ah, tu as un truc? Genre, la question c'est un peu, est-ce que tu as quelque chose de concret? Et moi j'étais là, oui, absolument pas. Évidemment. Il faut être clair à ce moment-là, absolument pas du tout, j'ai un petit peu menti. Mais je lui ai dit, écoute, dans 2 semaines, je te fais une proposition et tu me dis si ça tient la route. Et donc, j'ai rassemblé des gens, on s'est mis autour d'une table et on s'est dit, qu'est-ce qu'on aime dans le cabaret, qu'est-ce qu'on aime moins et comment créer Oh, le wow. spectacle de nos rêves, quoi. C'est génial. Donc voilà, on s'est posé toutes les questions, des choses qu'on avait aimées, des choses qu'on avait moins aimées. Après, j'ai envie de citer dans les inspirations, vraiment très clairement, il y a Charivari. Parce que c'était déjà une forme de spectacle où on casse la barrière entre public et où il se passe des choses en déambulation. Le côté aussi, on va aller bousculer les gens, que ce soit dans les propos ou dans la vraie vie. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont infusées de Charivari, c'est très évident. Mais il y a aussi une grosse fascination pour Banylon, le cabaret de Jean Biche, que j'ai eu l'occasion d'aller voir plusieurs fois à Paris, et où il y a une direction artistique très précise et c'est directement quelque chose qui m'a beaucoup plu, que ce soit sur leur page Instagram ou dans leur spectacle. Il y a vraiment une ligne directrice comme ça qui est très très léchée, très sombre, très vulgaire, mais dans un sens, quand je dis vulgaire, c'est toujours pour moi, c'est un compliment. Voilà. Et donc voilà, Oui, c'est quelque chose d'ailleurs. qui m'avait fasciné. Donc j'avais trop envie de trouver une idée qui allait donner comme ça une cohérence, une direction. Ouais. Oui, d'ailleurs, j'ai postulé en tant que croque pour Hôtel Crépuscule et vous m'avez répondu en disant qu'en gros, j'étais pas dans la ligne artistique Oui, ou du en tout truc. cas, que Alors, les c'était plus propositions que compliqué tu que nous avais ça. envoyées. Ouais, Voilà, c'est voilà. ça. Et c'est la première fois qu'on me dit ça. Et en fait, je me dis, bah, en fait, c'est super, quoi. C'est super que. Le cabaret queer bruxellois et belge et le drag bruxellois et belge arrivent à un stade de maturité où on peut dire bah en fait non notre show c'est pas ça qu'on veut proposer du coup on va pas te prendre à cause de ça et en plus enfin moi ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, bah je me sens aussi prise au sérieux c'est pas juste un truc de ah oh, oui peut-être on verra peut-être un jour on t'adore mais maintenant c'est pas le moment où en Ouais. fait on se retrouve à attendre sans fin un truc qui n'arrivera Oui. jamais puisqu'en fait en face il n'y a pas vraiment l'envie de booker étant donné les paramètres et le truc. Et donc je me dis bah c'est chouette, c'est super que vous ayez une ligne directrice qui permet aussi de dire on a envie de tel artiste, on n'a pas envie de tel artiste ou de telle performance ou de Oui, telle c'est ça. esthétique. Oui, puisqu'en plus, on a adoré ton dossier, mais juste on était là, ah, mais ça rentre pas dans la chose qu'on a Ouais, c'est imaginée pour ça. l'instant, en tout cas. Oui, donc en fait, vous avez une ligne très très claire. Là, ça Ouais. fait un an, donc la semaine prochaine, ce sera la première année que vous allez fêter Oui, toujours à la fabrique. oui. Donc il reste des places? Oui, Oui, plein, venez. donc au moment où vous écoutez, c'est. Alors si vous écoutez en direct sur Radio Panique, c'est la semaine prochaine, c'est Voilà, c'est vendredi. vendredi 24 octobre. Vas-y, fais ta petite La pub, à petite quelle promo. heure Ben voilà, venez à Hôtel Crépuscule, Nuitée Macabre avec vue sur le parking, Oh. qui est non seulement le premier spectacle de la saison, mais aussi notre premier anniversaire d'existence. Ça se passera à la Fabrique. Les portes ouvrent à 20h et le show commence à 21h et les places sont en ligne. On recommande évidemment aux gens de prendre leur place à l'avance parce que ça nous aide à exister tout simplement et c'est moins cher. Et puis voilà. Et il y a deux tarifs. Oui, on essaie toujours de proposer un tarif moins cher pour permettre à tout le monde de participer. Maintenant, comme c'est un projet ambitieux qui coûte aussi cher, on a été obligé d'augmenter les prix de nos entrées, mais c'est vraiment à contre-cœur parce qu'on aurait aimé que ça reste le plus accessible possible. Et aussi, bah, alors je me permets parce que je trouve ça assez remarquable, mais dans le mail que vous m'avez adressé, vous m'avez aussi dit que la distribution, enfin les castings pour toute l'année étaient plus ou moins faits. Oui, alors en fait, c'est vrai que on a voulu maturer par rapport à la première année. Et donc, en fait, cet été, on a vraiment s'est rassemblés, on a travaillé comme des oufs et on a créé les line-up de toute la saison. Parce qu'il y avait aussi cette difficulté de se dire voilà, on va à chaque fois inventer une narration. Parce que ça, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais c'est aussi des spectacles où on va infiltrer un peu de narration à chaque fois. Il y a des petits interludes où il se passe des choses, etc. Donc c'est beaucoup de travail de préparation et on a vraiment à cœur que tous les line-up, il y ait une vraie alchimie entre les différentes personnes qu'on choisit, et aussi un équilibre dans les différentes représentations, dans les différentes techniques, etc. Donc en fait c'est un casse-tête absolu de faire Ben ces line-up. oui, complètement. Et en plus d'avoir des gens qui acceptent, enfin bref. Donc voilà. Et du coup, en fait, oui, on fait, en tout cas pour l'instant, on fonctionne comme ça, on fait tous les line-up très à l'avance. Mais c'est super, en plus, dans un milieu où ça arrive littéralement qu'on te dit « Ah, est-ce que dans 10 jours, tu veux performer à tel endroit ?» C'est trop bien de se dire « J'ai déjà une date en avril ou en mai, parce qu'on a pensé à moi et qu'on va faire un show ensemble. » Donc c'est trop chouette aussi. Puis pour vous aussi, ça doit être un gros poids l'été, mais après, se dire « Bon, au moins... » Voilà, ça c'est fait. Mais bon, le truc, c'est que le projet est tellement ambitieux qu'une fois que ça c'est fait, eh bien, il reste des centaines de milliers d'autres choses à faire. Je tiens à préciser que donc, l'autre maman est Cléonix, qui organise avec moi. C'est important pour moi de dire son nom. Non, mais oui, c'est très important de citer les personnes qui aident à organiser tout ça, les personnes de l'ombre. Et en plus, vous avez une team de bénévoles qui est un peu récurrente, c'est un peu toujours les mêmes personnes. Ou si ça intéresse par exemple des auditrices, elles peuvent vous envoyer un petit message. Oui, elles peuvent totalement nous envoyer un message. On adore faire venir plein de nouvelles personnes dans l'aventure. Donc voilà, et en fait. On a plein de postes différents qui sont des petits personnages dans cet hôtel. Donc, si c'est des personnes qui aiment incarner un personnage, ça peut être très rigolo à faire. Trop chouette. Trop chouette. Et bah, on en a un petit peu parlé, mais concrètement, du coup, sur scène, parce que j'ai vu, il y a du drag, il y a de la pole, il y a plein de choses. On peut s'attendre à quoi en termes de rythme de spectacle ou en termes de... Oui, effectivement, on est assez mixte dans les disciplines. On essaye qu'il y ait toujours un petit peu de tout. Il y a quand même un ton qui est assez à l'image de Hôtel Crépuscule, donc je dirais sombre, un peu dérangeant, un peu creepy, etc. Et sinon, ma foi, c'est un spectacle. Il y a ce côté narratif, je pense, qui amène pas mal de nerfs. Il y a une MC, mais qui est la patronne de l'hôtel, qui a son groom. Le groom est incarné par différentes personnes à chaque spectacle. C'est notre running gag. Donc, c'est un spectacle qui va finalement mélanger des touches de théâtre avec du cabaret et avec des gros dérapages de grand n'importe quoi. Et surtout, beaucoup d'incitations à la fête. Voilà. Ok, très bien. Et les DJ sets après, oui. Ça reste dans cette même vibe d'hôtel semi-miteux, semi-cauchemardesque ou... C'est-à-dire que comme tout le monde est costumé, que tout le monde vient de vivre une expérience immersive ensemble. Oui, je pense que ça fait partie. D'ailleurs, on demande à nos performeuses de faire la fête au début. Enfin, on les force pas. Hein. Mais on leur demande d'entamer la fête avec le public parce qu'on trouve ça important de vivre ce moment-là ensemble et de proposer cette expérience-là. Trop bien. Trop bien, mais dans les styles proposés de musique en tant que tel pendant le DJ set, ça va être plutôt de la techno, des trucs assez dansants. Oui. On bouge son booty, quoi. Voilà, on va plutôt aller vers des choses, si pas années 90, 80, vintage, plutôt technoïdes. Ok. Bon, on ne dérive pas sur l'hardcore. Voilà, c'est ça. On s'arrête à un moment donné quand même. Un petit peu de cadre. Très bien. Parfait, c'est bien. On ne va pas passer aux 200 BPM pendant la soirée. C'est bien. On reste inclusif aussi. Parce que, on a un public qui est très divers. Du coup, on doit un peu répondre à ça quand même. Parce qu'on a franchement toutes les tranches d'âge différentes et beaucoup d'horizons différents. Donc l'idée n'est pas l'idée est que tout le monde se sente bien de faire la fête ensemble après quoi. Ouais, et tiens, justement, pour terminer sur ce chapitre-là, dans les milieux cabaret queer et dans les milieux queer en général, il y a quand même un accent de plus en plus porté sur le côté consentement, faire attention aux limites des uns des autres, etc. Est-ce que vous nommez ça, vous avez vraiment un petit chapitre là-dessus pendant votre soirée, ou bien vous faites confiance au fait que le public... se mettre bien et que ça va bien se passer. Alors en fait, nous on est un petit peu coincés parce que comme on propose un spectacle immersif, on essaie d'éviter les choses qui cassent le cadre diégétique. Je crois que ça s'appelle, je vais lâcher ce petit mot-là. Je l'ai appris il y a 6 mois. on essaie d'éviter les choses qui vont casser le cadre diégétique. Par exemple, on a à cœur de parler de trigger warning parce que c'est important que les personnes puissent s'épargner des choses pénibles, mais on ne le fait pas au micro. On installe des listes qui sont que les personnes peuvent aller consulter, où elles peuvent voir les différents triggers qu'il y aura à quel moment. Mais si une personne se sent voilà, sans trigger, elle peut ne pas être spoilée. Parce que par exemple, moi j'ai des numéros avec du faux sang. J'avoue que quand on dit juste avant que je monte sur scène, il va y avoir du faux sang, je suis là genre merci, super. C'est un peu, ouais, c'est voilà. Un peu le souci du trigger warning. Et en même temps, voilà, j'ai pas envie qu'une personne pour laquelle cette vue-là serait compliquée, qu'elle se l'impose. Mais voilà. Donc on essaye de passer à côté de ça. Je dirais aussi que j'avoue que dans l'équipe, on est assez d'accord sur le fait qu'on n'aime pas trop le ton moralisateur, de manière générale. Je crois que, enfin, déjà à l'école, c'est un truc qui me rendait dingue. Du coup, on essaie d'éviter ça. Je ne sais pas si ça rentre un peu dans le cadre de ce que tu voulais dire, mais... Non, voilà. Mais c'est intéressant. Parce que je le pose parce que c'est des vraies discussions dans le milieu. Oui. Et moi, je trouve que c'est des sujets qui sont compliqués et que beaucoup des solutions qui sont proposées sont imparfaites. Et donc, c'est intéressant de continuer à en parler, de continuer à voir ce que les uns et les unes proposent pour continuer à patcher, à se mettre à jour et à essayer en fait, de proposer des expériences. Parce que... On est dans des milieux qui sont festifs, qui sont dans du spectacle et dans l'immersif surtout. Bah vous revendiquez de l'immersion. En plus, vous revendiquez de l'immersion dans un cadre potentiellement malaisant, etc. Oui. Et donc, c'est intéressant de voir tiens, comment gérer la sécurité émotionnelle du public et comment gérer le truc. Et je trouve que c'est aussi OK à un moment de se dire bah, on estime que les personnes qui viennent à nos soirées acceptent de se faire un peu bousculer et donc on les bouscule un peu. Oui. Après, voilà... Bah, je pense qu'on est clair sur la com. On met des choses à disposition pour que les personnes puissent s'épargner. Après, du reste, c'est vrai que moi, ça fait un peu partie de la DA. J'aime bien les trucs qui piquent un peu, quoi. Oui, oui, donc, c'est ça. C'est ça qu'on a envie de proposer aussi. Et je me dis peut-être aussi qu'avec un public qui est debout, c'est peut-être plus facile de bouger, donc de s'éloigner de la scène si on est gêné par quelque chose ou quoi. Oui. J'imagine. Parce que le public, du coup, il reste vraiment debout pendant... 1h30, 2h de show Oui, c'est ça, mais comme c'est assez... en fait, on éclate vraiment l'espace scénique, donc c'est rarement statique à un seul endroit salle. La salle est très grande, et donc en fait, on fait carrément se déplacer les gens. Quoi. On dit, ah, maintenant, on va au lobby. Alors, tout le monde doit se déplacer, on va au lobby, tout le monde se met en cercle, et il y a des installations comme ça. Même c'est un peu un spectacle itinérant. Voilà. Au sein de cet énorme espace qu'est la fabrique. Quoi. Donc, ça bouge, ça danse, ça continue de boire des verres. Enfin, c'est vivant. Bien. Et donc, je ne pense pas que c'est embêtant, du coup, d'être debout. Parce que, enfin, j'espère en tout cas. Parfois, on a des petits problèmes de visibilité, je m'en excuse. mais bon, ça fait partie des spectacles immersifs. Tu sais que à certains shows vont être... Enfin, voilà, une partie du public va super bien voir certains numéros, puis d'autres moins bien. Et puis, voilà, ça, c'est les aléas. De... Super. Et puis, la meilleure manière d'en profiter, c'est encore d'aller le voir. Hein. Donc, Hôtel Crépuscule. Donc, la prochaine édition, c'est vendredi 24 octobre. À La Fabrique, c'est dans le bas de Saint-Gilles, si je ne me trompe pas, à Bruxelles. À côté de la gare du Midi, à 5 minutes à pied de la gare du Midi. Et voilà, poussez la porte, osez l'audace. C'est parfait. Eh bien, nous allons vers une courte page musicale que tu nous amènes de nouveau. C'est Shit's About to Get Weird par Dream, qui est tout un programme. Et ça aurait pu être, ça aurait pu être le titre de ce podcast. Hein. Ne nous mentons pas. Vous êtes sur Radio Panique, c'est toujours Fuchs et Merveille. Et on vous retrouve juste après ça. Dream Kid, Shit's About to Get Weird. We'll be right back. jusqu'à cette note finale. En même temps, c'est kitsch à crever, j'adore. Oui. C'est vraiment formidable, je crois que je vais aller écouter Dream Kid. Merci de nous amener cette étrangeté, cette espèce d'ovni. Dans des mauvais films d'horreur des années 80. Oui. Le bif, on adore le bif. Bien, eh bien, on arrive déjà à la troisième partie de ce podcast. Et moi, la question qui me restait, que j'avais envie de te parler, c'est que ben donc là, ça fait, si je comprends bien, ça fait 2-3 ans que tu construis vraiment ton personnage de Winona, que tu crées des performances. Là, t'as quoi ? T'as 5 performances dans ton répertoire. Mmh. Et ben justement, comment tu te renouvelles, ou est-ce que tu ressens le besoin de te renouveler ? Parce que je trouve qu'il y a souvent ce truc. En plus, ben là, toi, t'as quand même une DA qui est... Je me fous à poil et j'en fous partout. On peut se dire au bout de 2, 3, 4 performances, oui, bon, on a compris que je me foutais à poil et j'en foutais partout. Laissez-moi deviner. Elle va se foutre à poil et puis elle va en mettre partout. Voilà. Eh, pas moi. Alors, est-ce que c'est quelque chose... déjà, est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses ? Est-ce que c'est quelque chose où tu te dis, faut vraiment que je me renouvelle ou pas ? Et comment tu construis alors tes numéros maintenant que tu as un peu pris de la bouteille ? Eh bien, pour l'instant, ça va. Je n'ai pas encore eu ce sentiment d'essoufflement. Plutôt même, je suis hyper excitée à chaque fois de créer un nouveau numéro. Là, je suis sur un nouveau, je suis surexcitée. Mais en gros, j'ai créé une recette qui, pour l'instant, je trouve est assez vaste et je suis excitée d'aller explorer tous ces endroits. Je ne pense pas que ce soit si répétitif parce que, comme je fais de l'illustration de base, j'ai besoin de raconter des histoires. Donc, chaque numéro, oui, je me fous à poil, mais... il y a quand même quelque chose qui est raconté. Mmh. C'est rarement juste un striptease. Enfin, juste un striptease, même ça, c'est déjà super. Hein. Mais je veux dire, je suis très narrative comme personne. Mmh. Et très, oui, ça sent en tout cas que chaque performance a un univers bien à lui. Ouais. Entre, ben, de nouveau, tu as une performance où tu as des ceintures de balles. Oui, et ça, par exemple, c'est au début, je suis une chasseresse dans la forêt. Et puis, la chasseresse... devient un peu crazy, enlève ses fringues et en dessous, elle est complètement hystérique. Quoi. Elle a un plastron fait de balles et à la fin, carrément... En fait, c'est l'escalade et puis elle bute quelque chose et à la fin, elle se retrouve couverte de sang et elle est là, je suis excitée ou effrayée, c'est problématique ou pas. Ah, waouh. J'ai perdu ma voix, excusez-moi. Je l'ai retrouvée. Donc voilà, je suis très narrative et du coup, c'est un peu à chaque fois comme si j'inventais une nouvelle BD. Quoi. Je vais raconter une histoire dans les aventures de Winona. Donc voilà, pour l'instant, je ne suis pas du tout essoufflée. La dernière fois, je trouve que c'est ça la beauté du métier, mais on en parlait juste avant de commencer l'émission. On m'a proposé de performer dans un lieu qui est très chouette d'ailleurs, le Sister Midnight à Pigalle. Oh. Mais juste 2 semaines avant, on me dit « Ah, mais en fait, il faut que tu saches quand même qu'il n'y a pas de scène. » Je dis « Ah oui, d'accord. Mais du coup, on fait le numéro où ?» Bah, sur le bar ou par terre. Ah non, attends, on vient de me dire qu'on ne peut plus être sur le bar, parce que j'adore me rouler sur des bars, mais là, je ne pouvais pas. Il n'y a plus que le sol, j'étais là, mon Dieu, il nous reste quoi ? Juste déambuler entre les gens, quoi. Et en plus, je suis arrivée sur place, le truc est minuscule. Et du coup, j'étais là, bon, ok, il va falloir faire quelque chose là. Et du coup, j'ai ressorti un costume que j'avais fait il y a plusieurs années, en latex rouge. Et je me suis dit, bah, comme c'est au contact des gens, on va aller au contact des gens. Et donc, j'ai créé un effeuillage participatif, où les gens retirent... les éléments de mon costume. Maintenant, c'est les gens qui te foutent à poil. Maintenant, c'est carrément les gens qui me foutent à poil. Enfin, voilà. Juste pour dire que les accidents comme ça nous poussent à explorer d'autres coins de notre créativité. Parce que du coup, sur base de cette espèce de semi-improvisation dont 2 semaines avant, tu n'avais pas idée qu'elle aurait lieu, tu es en train de créer un numéro plus construit et plus abouti. Super. Et ton processus de création, justement, est-ce que tu es plutôt de la team... je fais un petit bout, je le teste en public et puis je vois comment je le modifie, je le reteste, etc. Est-ce que tu te mets des mois en huis clos à taffer jusqu'à ce que tout soit parfait ? Est-ce que tu te mets en semi-impro et tu verras bien ? Comment tu... Spoiler, je suis la deuxième version. Je fais partie des gens qui ont un plan très clair et qui s'enferment pendant 3 mois. Enfin non, c'est pas possible parce que j'ai un hôtel à tenir, mais non, je suis plutôt du genre... virtuel. Bah, d'ailleurs, c'est de nouveau mon côté illustratrice. Je pense que j'ai un personnage clair, une histoire claire, et tant que c'est pas à ce stade-là, ça ne sort pas de ma chambre. Donc, tu te fais un storyboard carrément de... Et là, je suis en train d'en préparer un. En fait, en plus, là, c'est très excitant parce que j'ai tellement aimé faire Strip Hotel. Donc, c'est celui où j'ai le masque de Scream. Parce qu'il a des éléments burlesques très classiques. Puis après, ça part plus en strip. Et puis, il y avait ce côté du jeu avec la narration du film Scream. Et puis, le fait de découper sa culotte. Hein, trop kiffant. Mais enfin, voilà, le mélange, en fait, d'éléments très classiques, du burlesque classique et d'éléments du milieu de l'horreur, ça me plaît trop. Donc là, je vais faire un numéro où je vais mélanger cette fois-ci éventail à plumes, grand classique du burlesque, et se faire étriper. Ouh, voilà, je n'en dis pas plus. Waouh. Mais c'est voilà, moi ça m'inspire. En tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression que j'en ai encore plein à sortir dans cette recette-là. Peut-être qu'à un moment j'en aurai marre. Je ferai des trucs super soft. Non, ça m'étonnerait. En tout cas, ça sera plus Winona. Ah non, ça sera pas Winona. Alors. Mais peut-être un autre personnage. Peut-être. Super, bah super. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir avant de clôturer? Est-ce que bon, Hôtel Crépuscule, c'est au moins parti pour un an de plus. Oh, mais j'espère. Ouais. Oui. Non, mais ça, un an, c'est clair, mais j'espère plein. Mais bon, on n'a pas de subsides, donc il faut beaucoup d'huile de coude et de travail gratuit. Donc, je ne sais pas si je vais avoir envie de faire ça toute ma vie. Mais qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Et côté Winona, est-ce que tu as des ambitions ou des envies particulières, là, pour... Bah juste non, juste de... En fait, c'est marrant parce que la première chose qui me vient en tête, c'est juste d'être plus à l'aise financièrement. Ça paraît con, hein, mais c'est parce qu'en fait, ça me bloque dans ma créativité et dans ma capacité à explorer mon personnage comme je le voudrais. Donc voilà, j'aimerais que notre métier soit mieux payé, plus sécurisé, plus reconnu. Mais on est en train de non, mais c'est mettre bien avec plein de choses en place pour que ça se passe. Oui, c'est ça. Puis avec le monde politique qu'on a, ça ira mieux. Ça oui, ira mieux bien sûr. Je suis très enthousiaste. Ça va aller super. Bart, tu m'entends? Je ne sais pas si tu écoutes, mais vraiment, s'il te plaît, arrête de nous assassiner. Viens me voir performer. Vois comment oui, c'est super. Ce qu'on fait. Viens me voir arracher ma culotte. Tu vas changer d'avis, je te jure. C'est pas du chômage mis à la poubelle. Très du bien. Temps bien utilisé. Très bien. Je pense que sur ces bonnes paroles, on va pouvoir se quitter. Mais avant ça, j'ai les petites questions rituelles à te poser. Alors, sans l'érotisme et le burlesque, tu serais devenu qui? Tu serais devenu quoi? Bon, on a eu un petit peu des pistes de réponse dans l'épisode. Mais... Vous avez des pistes. Hein. Je pense que, enfin, je me le souhaite en tout cas, que je serais autrice de BD sexy, creepy et politique. Probablement. Super. Et t'as quand même pour le moment, t'as pas du tout de projet de BD en tête ou tu te dis oh, peut-être un jour, mais ou alors si t'as quand même une idée, un scénar, un truc qui. Si. Te... En fait, j'en ai une que j'ai écrit et que j'ai pas mis en image, mais je ne perds pas espoir. Je pense que quand j'en aurai marre de montrer mon cul, je vais la dessiner. Et ben c'est ce qu'on souhaite. Moi, j'ai bien hâte de découvrir ça. Alors, si t'as tout le budget du monde pour faire un show en parlant d'être à l'aise financièrement, tu fais quoi? Alors là, moi, c'est très, très, très, très clair. Je veux une résidence payée tout et tout dans un hôtel. Oh, wow. Vintage, désaffecté, avec des vieux papiers peints incroyables et tout. Et puis, je voudrais créer une expérience immersive de genre 24 heures ou un week-end kinky à mort. Enfin, genre un avec week-end de cabaret tout, avec des soirées, wow. Des concerts, du cabaret, et genre où les gens peuvent vraiment déambuler dans différentes pièces et tout ça, ce serait vraiment mon rêve absolu. En fait, faire l'hôtel Crépuscule, mais en 3D, en chair et en os. Waouh! Wow. Voilà. Hôtel Crépuscule in real life. Yeah. Wow. Vous parlez beaucoup, ton corps et toi? Bah écoute, oui, Nana m'a aidé à beaucoup plus le considérer, donc c'est très chouette. Elle a bien amélioré notre relation, donc je dirais qu'on parle bien mieux qu'avant. Ah, chouette. Et enfin, plutôt freaks ou plutôt merveilles, Winona Slayer? À ton avis, Croc. À ton avis. Je dirais une freaks, bonne grosse freak. Of course. Ah ouais, super, freaks à mort, oui. Hein, toujours. Parfait. Eh ben, écoute, formidable. Merci, merci d'être passé. C'était très agréable. Merci à toi. J'avais envie de répéter la petite chose que j'ai dit tout à l'heure. Je voulais te remercier de mettre en lumière nos métiers magiques. C'est vraiment merveilleux ce que tu fais. Et alors, tout à l'heure, j'avais trouvé une belle formulation. En arrivant, je m'étais dit qu'on peut ressentir une euphorie de genre et que toi, tu nous provoques une euphorie de métier. Merci beaucoup. Oh, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Bon, ben voilà, écoutez, allez voir Hôtel Crépuscule, allez voir Winona Slayer, allez voir tout ça et puis qu'on puisse continuer un petit peu à faire ce qu'on aime faire. Oui, s'il vous plaît. Oui, mmh. Ben, le meilleur pour toi et à bientôt. À toi aussi, bisous. Et voilà qui clôture cet épisode de Freaks et Merveilles. Dans 2 semaines, ça continue et pour le moment, c'est le grand mystère sur qui sera l'invité du jour. Alors, en attendant, eh bien, allez réécouter ou découvrir les autres émissions. Il y en a quand même plus de 30 maintenant. Freaks et Merveilles est une émission créée, imaginée, diffusée, montée, enregistrée par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et les audios de King Baxter. Cette émission est diffusée un samedi sur 2 sur Radio Panique et est propulsée par Murmure ASBL. Merci à ELE. Si vous voulez être informé des actualités du cabaret queer belge, que ce soit à Bruxelles, en Wallonie ou dans cette lointaine Flandre que nous aimons tant, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à freaksetmerveilles@protonmail.com et je vous ajouterai à la newsletter Glitter Garage qui devrait peut-être bientôt avoir un site internet dédié, le début d'une nouvelle ère. Et si vous êtes vous-même artiste de cabaret, n'hésitez pas à aussi vous adresser à moi pour que je vous ajoute dans la boucle de l'Assemblée Générale du Cabaret, un groupe de discussion, réflexion et union autour de nos arts du cabaret queer qui se réunit une fois par mois. En attendant, bonne journée à vous, d'où que vous nous écoutiez. Merci à vous, on est plus de 11 000, on est à plus de 11 000 écoutes sur l'ensemble du podcast, j'en reviens pas en voyant ces chiffres. Donc merci à vous d'être toujours aussi nombreux que ça nous écoutait. Et d'ici là, le plus important, allez voir les Freaks et les Merveilles sur scène.